choisir le ton, le rythme ou la couleur, d'y peindre la saison qui colle à mes humeurs. Chercher l'imperceptible qui fait l'indifférence dans le champ des possibles, offre ce choix immense. Plus